Bonsoir à tous. Derrière les barreaux. Pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Quel est ce pays où frappe la nuit, la loi du plus fort, qui gomme, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Et moi, qui danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui, Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être.